demandions ici même hier ce qui nous sépare des grands singes. Une chose est sans conteste, le propre ou plutôt le sale de l'homme et de lui seul, le fait de produire des déchets qui ne sont pas naturellement recyclables. La gestion, le stockage et la transformation des déchets sont un enjeu écologique et économique majeur pour une humanité à 7,5 milliards d'individus. Qu'en sera-t-il lorsque nous serons 11 milliards ? Allons-nous littéralement crouler sous nos ordures ou allons-nous enfin réussir à en réduire substantiellement la quantité et la qualité ? Peut-on rêver d'une planète sans déchets ? C'est le problème que nous allons tenter de résoudre dans l'heure qui vient. Bienvenue dans la méthode scientifique. Et figurez-vous que cette semaine est la semaine européenne de la réduction des déchets. Voilà qui tombe à pic pour accueillir autour de la table de la méthode scientifique ici à la Maison de la Radio, Christian Duquesnoy. Bonjour. Bonjour. Vous êtes physicien chercheur à l'Institut National de Recherche en Sciences et Technologies pour l'Environnement et l'Agriculture, l'IRSTEA. Vous êtes également auteur du livre Les déchets du Big Bang à nos jours aux éditions Quai, un livre qui a reçu cet automne le prix Le Goût des Sciences dont France Culture est partenaire. Et nous sommes également en duplex depuis Valence chez nos collègues de France Bleu Drôme-Ardèche avec Alain Navarro. Bonjour. Bonjour. Vous êtes ancien professeur à l'INSA et ex-directeur scientifique du réseau coopératif de recherche sur les déchets, le RECOR. Ma première question, messieurs, sera simple aujourd'hui. Est-ce qu'une planète zéro déchet est envisageable à court, moyen ou à long terme, Alain Navarro ? Absolument pas. Absolument. Bon, ben on est déjà d'accord. On démarre bien. Voilà. Non, merci, au revoir. C'est la fin de cette émission. Alors, Alain Navarro, allez-y. Non, je pense que le déchet est une fatalité. C'est une fatalité. Ah, ben on est d'accord. Oui. On a les mêmes pompes. Christian Duquesnoy. Oui, tout à fait d'accord. Alors, dans votre introduction, il y avait une notion très importante à retenir. Le propre de l'homme, c'est de produire des déchets non recyclables ou difficilement recyclables. Le propre de la nature, des écosystèmes, c'est de produire des déchets qui vont être réutilisés, recyclés. Mais il n'en a pas toujours été ainsi. C'est-à-dire ? Alors, on a une crise... Première crise environnementale, il y a plusieurs milliards d'années, quand apparaissent des micro-organismes qui produisent de l'oxygène, ce sont les ancêtres des cyanobactéries et des plantes, et l'oxygène est pour tout le monde à l'époque, tout le monde, bah, ce sont que des micro-organismes, l'oxygène est un produit toxique. C'est un déchet métabolique qui provient du métabolisme des cyanobactéries, en tout cas de leurs ancêtres, et qui menace, après plusieurs centaines de millions d'années, l'ensemble de la vie sur Terre. Et, qui est à l'époque micro-organique. Voilà, qui n'est que micro-organique, mais ce sont nos ancêtres. Mmh. Et il faut attendre l'apparition d'un nouvel organisme qui va consommer cet oxygène en excès, et qui va le transformer en dioxyde de carbone. Et ces micro-organismes sont nos ancêtres directs, puisque nous, on continue avec le même type de métabolisme qui consomme de l'oxygène comme une ressource. Et ces micro-organismes inventent le recyclage. Alors, donc ça, c'était il y a des milliards et des milliards d'années. Est-ce qu'on pourrait peut-être s'accorder pour commencer à savoir, à définir ce que l'on appelle aujourd'hui précisément déchets, Alain Navarro ? Oui. D'abord, pour prolonger ce qui vient d'être dit, moi j'ai une approche beaucoup moins théorique, j'ai une approche beaucoup plus terrain, que j'ai eu une approche ingénieure, on va dire, à la sortie de l'usine et à la sortie des domiciles. Cette fatalité, elle est multiple. Elle est multiple parce qu'elle concerne le fait qu'on y transforme la matière. Si vous faites de la chimie, s'il y a plus B, donc C plus D, si vous laissez, ben, qu'est-ce que vous faites de D? Elle est également technique, économique. Si vous voulez faire des ronds métalliques sur une feuille, ben, même avec une feuille ronde, vous arriverez toujours à avoir des déchets. Elle est écologique, c'est ça là, je dirais, écologique, environnementale, je ne sais pas comment le dire, mais ça c'est la partie qui est la plus difficile, enfin celle que j'ai eu le plus de difficultés à faire admettre aux étudiants en particulier, c'est que plus on veut du propre, plus on fait du sale, à partir de quelque chose. Hein. prendre 3 douches par jour, c'est bien, mais il faut, on ne boira jamais l'eau des 2 os, même si on était propre quand on les a prises. Donc, il y a un système qui produit des déchets. Et l'objectif de tout ça, c'est de s'inspirer dans un premier temps, de ce que la nature nous a appris, c'est-à-dire producteurs, consommateurs, décomposeurs. Avec la petite différence que dans la nature, les décomposeurs ont un rôle au moins égal à celui des producteurs et des consommateurs, alors que dans la vie humaine, je dirais dans l'activité humaine, les décomposeurs ont quand même été toujours une catégorie un peu ambiguë, dans la mesure où elle n'a pas beaucoup bénéficié, même en tant qu'universitaire, j'ai connu ça, elle n'a pas bénéficié de beaucoup d'aura, je dirais, et d'un autre côté, elle était des fois vilipendée parce que elle est assez riche. Toutes les guerres ont fait les richesses de beaucoup de récupérateurs de déchets. Mmh. Hein. Donc, dans ce contexte-là, l'essentiel, c'est de développer toutes les stratégies par tous les bouts, et c'est en ce sens, c'est multidisciplinaire, et ça, il faut jamais l'oublier. Ce n'est pas le technicien qui va régler le problème, ce n'est pas le commercial qui va régler le problème, c'est l'ensemble des partenaires concernés qui vont peu à peu arriver à ce que je pourrais appeler non pas zéro déchet, mais zéro problème. L'endroit où je voulais vous amener, Christian Duquesnoy, Alain Navarro, c'est de dire finalement cette crise des déchets qui est la nôtre, qui est contemporaine, celle que nous allons examiner aujourd'hui, à partir de quand est-ce qu'on peut commencer à pointer son départ, Christian Duquesnoy? On peut commencer à le pointer avec la révolution industrielle, mais au moment de la révolution industrielle, ce qu'on appelle la belle époque en particulier, on se rend compte qu'il y a beaucoup de recycleurs, peut-être plus qu'aujourd'hui, on recycle beaucoup plus. C'est vraiment la société de consommation au sortir de la Seconde Guerre mondiale qui va marquer une vraie différence dans nos habitudes de consommation, et par conséquent, parce que la production de déchets, c'est le reflet de ce que j'appelais un métabolisme, hein, qui est valable pour des organismes vivants, mais qu'on transpose de plus en plus à nos sociétés. On parle de métabolisme urbain, de métabolisme territorial, et les déchets, c'est une signature de ce métabolisme. Et quand on consomme beaucoup, quand on consomme de façon effrénée, qu'on utilise énormément de ressources non renouvelables, eh bien, on a les déchets qu'on mérite. Oui. Oui, Alain Navarro. Non, j'approuve. le corollaire à cette question, c'est depuis quand a-t-on conscience que notre production de déchets est problématique, qu'il va falloir appréhender cette question des déchets, du recyclage des déchets, du traitement des déchets, parce que nous sommes arrivés à un seuil véritablement problématique, Christian Duquesnoy. On le voit apparaître avec les termes et les notions, les concepts qu'on utilise aujourd'hui vraiment dans les années 70, dans les années 1970, oui. Avec le Club de Rome, avec les notions de limite à la croissance et avec les préoccupations environnementales. Nous avons créé notre laboratoire en 73. Vous êtes les pionniers en France, avec des géographes aussi, hein, de l'université, oui. D'Amiens. Du Maine à Amiens, c'est vrai. Et aussi, ouais. Aussi du Maine, au Mans, l'école de Jean Gouillet, puis Gérard Bertolini. Oui, Gouillet, ouais. Donc la France pionnière en matière d'alerte, en tout cas de prise de conscience des problématiques liées au traitement et au retraitement des déchets. Faisons un peu quand même une sorte justement de géographie, de géotype, dirions-nous, de la production de déchets. Puisque c'est lié à un mode de consommation, comme vous le disiez à l'instant, Christian Duquesnoy, est-ce que c'est un topos un peu bête de dire, ben voilà, les sociétés développées produisent plus de déchets mais recyclent plus, les sociétés moins développées produisent moins mais recyclent moins? Alors, c'est vrai que les sociétés les plus développées produisent le plus. Hein, dans un pays comme la France, on produit en moyenne. Alors, tout type de déchets confondus. Hein, je ne parle pas que des déchets ménagers, c'est ceux qu'on voit d'abord. Hein, mais il y a toute une série de déchets qui sont moins visibles au quotidien et dont on parlera. On produit à peu près 6 fois plus que la moyenne mondiale. Et puis, il y a des pays comme les États-Unis, l'Australie, qui produisent encore beaucoup plus. Mais effectivement, c'est vraiment un marqueur des modes de vie et des modes de consommation, oui. Parce que tout ce qui rentre dans le système, hein, toutes nos ressources, tous nos intrants, bon, on en stocke quelques-uns, on construit, on se développe, mais aussi, il faut que ça sorte du système, hein, et la loi de conservation de la masse et de l'énergie, parce qu'on peut aussi considérer qu'on gaspille de l'énergie et que c'est un déchet, tout se transforme, rien ne se perd. Donc, il faut bien ressortir ce qu'on a rentré à un moment ou à un autre. Alain Navarro. Oui, je pointerai bien là-dessus le fait que le développement, l'explosion de la consommation énergétique. Et j'ai fait un petit clin d'œil à une émission que j'écoutais aujourd'hui chez vous à propos de l'évolution future du marché du pétrole compte tenu des élections américaines et compagnie. L'explosion du charbon d'abord, du gaz ensuite et du pétrole a quand même donné un grand, grand coup de développement à la fabrication de masse et donc à la consommation de masse. Le deuxième critère, le deuxième élément qui paraît important, c'est celui de la révolution, de la chimie de synthèse. Hein, c'est-à-dire que dès lors que l'homme a su utiliser à fond les possibilités du mécano de la chimie, en combinant le carbone, l'oxygène, l'hydrogène, un peu à sa guise, et selon ses trucs, ça a permis le développement d'une quantité de produits extraordinaires qui, effectivement, sont les premiers à avoir posé des gros problèmes d'environnement dans la mesure où, n'étant pas pris en compte par le système classique producteur-consommateur des composeurs de la nature, qui sait tout faire, sauf imaginer des stratégies pour des produits qu'elle ignore, même si elle arrive à s'adapter des fois à terme. Ça, ce sont les deux éléments auxquels j'ajouterais peut-être le développement urbain et son corollaire, la civilisation de consommation. Vous disiez, c'est intéressant, Christian Duquesnoy, parlons-en maintenant, parce que c'est vrai, quand on pense déchets, on pense production de déchets par ménage, déchets ménagers. Il y a différents types de déchets et qui ont des répercussions, des impacts plus ou moins lourds sur l'environnement. Oui, chez nous, en France, le premier poste de production de déchets, c'est l'agriculture et la foresterie. C'est pratiquement la moitié en tonnage. Mais évidemment, ce sont des déchets organiques, essentiellement organiques. Je reprends ce dont parlait Alain Navarro, qui est l'apparition de la chimie de synthèse. Les déchets, c'est pas qu'une question de quantité produite, c'est aussi une question de composition. Et on peut avoir des très très petites quantités de déchets, mais des déchets très très embêtants. On peut penser aux déchets toxiques des industries chimiques, aux déchets nucléaires, radioactifs, etc. Donc ensuite, après, c'est l'agriculture qui représente près de la moitié des déchets, à peu près le tiers. C'est les déchets du bâtiment et des travaux publics. Ouais. Donc, qui sont des déchets qui posent un problème, parce que ce sont des déchets qu'on appelle inertes. Alors, ça pose un problème, ça pose moins de problèmes que des déchets toxiques, par exemple. Les déchets inertes disent bien ce qu'ils veulent dire, ils sont moins dangereux que d'autres types de déchets. Ça pose des problèmes parce qu'ils sont omniprésents, ils sont en grande quantité et on ne sait pas toujours quoi en faire. Alors, inertes au sens de... Au sens de l'absence d'évolution ou des évolutions très très lentes. Il n'y a pas de réaction chimique immédiate, il n'y a pas de réaction biologique immédiate. C'est par exemple les granulats, les bétons concassés, les aciers, etc. Ça va se dégrader, mais sur des longues périodes et sans produire de molécules particulièrement embêtantes. Donc ça, c'est l'inertie n'est pas qu'une qualité pour un déchet, c'est aussi un gros défaut. C'est vrai. Quand on ne sait pas quoi en faire, c'est pas intéressant d'avoir un déchet. Donc ça veut dire que ça pose des problèmes de stockage, mais on y reviendra. Donc ça, c'est le deuxième poste, le troisième poste. Le troisième poste, ce sont les déchets des industries. Alors tout type de déchets confondus, parce que les industries ne produisent pas que des déchets chimiques toxiques. Les industries, les services, les administrations produisent des déchets qui ressemblent à nos déchets ménagers, des emballages, des papiers, des cartons, etc. Et puis le dernier poste, c'est ce qu'on produit chez nous dans notre poubelle. C'est 4%. C'est 4% du tonnage de l'ensemble des déchets. Alors ça, c'est pour la France. Et c'est une répartition qu'on retrouve approximativement au niveau mondial ou... Qu'on retrouve approximativement dans les pays développés. Oui. J'ai ce chiffre qui, vous allez me dire s'il est totalement anecdotique ou ce que vous en pensez l'un et l'autre. Alain Navarro, pour commencer, 99% des ressources prélevées dans la nature sont reléguées au rang de déchets en moins de 42 jours. Qu'est-ce qu'ils nous disent ? Qu'est-ce qu'ils racontent, ce chiffre, Alain Navarro ? Alors là, j'ai aucun élément me permettant d'apprécier ce c'est type un échec total. Christian Duquesnoy. Ils nous disent qu'on est une société... Alors, je ne vais pas botter en touche en disant ça. Je pourrais l'expliquer plus en détail si vous le souhaitez. C'est la signature de la complexité notre société, de nos sociétés. C'est vraiment une signature du métabolisme. C'est quelque chose qui va très très vite, qui dissipe beaucoup d'énergie et qui va gaspiller beaucoup de déchets. Donc, comme le disait Alain Navarro au début de l'émission, c'est difficile de contourner ces productions-là, parce que à moins d'imaginer des sociétés moins complexes, je suis pas certain que ce soit ce qu'on désire. Il va falloir faire avec cette dissipation, hein, ce qu'on appelle dissipation thermodynamique, et avec cette complexité qui produit forcément beaucoup de déchets. Il va falloir que ces déchets soient le plus possible des déchets recyclables. Est-ce que aujourd'hui, et ce sera ma dernière question avant de vous faire écouter une archive du CNRS Images, est-ce qu'aujourd'hui, quand on pense aux déchets et à la toxicité des déchets, on pense essentiellement aux matières plastiques ? Est-ce que le fléau contemporain, c'est le plastique ? Christian Duquesne. Oui, c'est un des fléaux. Alors, pas forcément par sa toxicité, mais par sa très grande consommation, son omniprésence. Hein, je crois qu'on a tous en tête ce qui se passe dans les océans. Mm-hmm. Et, les septième continent. Voilà, les vortex de plastique, etc. qui vont être des problèmes qui peuvent se révéler gigantesques et très, très, très difficiles à résoudre parce que ça concerne des quantités phénoménales de matière plastique et des surfaces phénoménales. Et ça, on voit dès à présent que ça menace la biodiversité et que ça entraîne la présence de microparticules, de micropolluants dans l'ensemble de la chaîne alimentaire et que ça va nous revenir, très probablement. Alain Navarro ? Oui, moi je pense que les déchets, c'est souvent Janus. Hein. Le plastique, bien sûr, c'est vrai. Mais il faut reconnaître aussi que si on prend par exemple sur le plan du bilan énergétique du transport de l'eau que nous buvons et des liquides que nous buvons, si toutes les bouteilles étaient en verre et pas en plastique, la consommation d'énergie qui serait liée au transport de toutes ces bouteilles sur des milliers et des centaines de milliers de kilomètres, elle serait faramineuse à cause du poids. Si on regarde en Afrique, les médicaments, les vaccins, certains aliments n'ont pu accéder à la consommation que grâce au plastique. Donc je ne vais pas charger à fond les plastiques. Il y a les plastiques mal gérés, il y a les plastiques dont on exagère, il y a les mauvais, les vilains plastiques, il y a les inutiles, mais il y a eu quand même des avantages pour la société à utiliser les matières plastiques. On va probablement voir arriver de plus en plus d'autres types de plastiques, des plastiques biosourcés et non plus pétrosourcés, avec plusieurs avantages, dont le ne pas épuiser des ressources fossiles. On reparlera hein, ça tout à l'heure de ces nouveaux matériaux, etc. Un autre chiffre, et puis j'en aurai fini de mes chiffres que je dégaine comme ça avec un succès variable. Un rapport de la Fondation MacArthur au mois de janvier estimait qu'en 2050, il y aurait plus de plastique dans l'océan que de poissons, Christian Duquesnois. Alors du point de vue de ce qu'Alain Navarro appelait le théoricien, c'est pas étonnant, je dirais que c'est ce qui pend au nez de tous ces systèmes, que ce soit des systèmes vivants, des systèmes physiques, qui vont dissiper beaucoup et puis qui vont remplacer leurs ressources par des déchets dans un environnement fermé. C'est ça qu'il faut voir, hein. La planète est un environnement non pas isolé parce qu'on échange de l'énergie avec le système solaire, mais fermé parce qu'on échange très peu de matière. Donc, tous ces déchets, on peut pas les faire sortir de la biosphère, on peut pas les faire sortir de la planète. Et puis, les ressources sont limitées. Et petit à petit, c'est un risque qui nous menace de remplacer nos ressources en général par des déchets. Espérons qu'on n'en arrive pas là. C'est Anaxagore, hein, rien ne se répète, rien ne se crée. Je vous propose de plonger hein, dans notre machine quotidienne à remonter le temps via les archives de notre partenaire le CNRS Images. Aujourd'hui, on remonte de quelques années seulement avec cet extrait d'un film qui date de 2009, La ville et son environnement. Écoutez ce que dit des déchets et de la production de déchets l'urbaniste Sabine Barle. On n'a pas du tout cherché dans un premier temps à se débarrasser des déchets comme on le fait, on l'a fait par la suite, mais au contraire à maintenir des filières de valorisation. Alors par exemple pour ce qui concerne les urines et les excréments humains, avec le passage du tout à l'égout, on a fait de l'épandage agricole, c'est-à-dire qu'on a irrigué de vastes champs avec les eaux d'égout, avec l'idée selon laquelle on pourrait en même temps irriguer et fertiliser. À côté de ça, on a mis en place pour ce qu'on appelle aujourd'hui les déchets solides ou bien les ordures ménagères, ce qu'on appelle des usines de trituration dans lesquelles justement on a tenté d'industrialiser le chiffonnage, c'est-à-dire que l'on a procédé à un tri, exactement comme dans les centres de tri que l'on connaît aujourd'hui, de façon à trouver un débouché pour chaque sous-produit présent dans les ordures. Autre exemple qui est d'ailleurs la suite de l'histoire des usines de trituration, c'est l'incinération. Ça, c'est une histoire qui est très intéressante parce que l'incinération des ordures ménagères a commencé en Angleterre dans les années 1870. On appelait les incinérateurs les British Destructors. Et cette solution a été très longtemps refusée en France parce que en France, les techniciens disaient disait, oui, mais si on incinère, on gaspille. Et il faut maintenir une valorisation. Et l'incinération est devenue quelque chose de reconnu en France à partir du moment où on s'est rendu compte, d'une part, que l'on pouvait valoriser les sous-produits de l'incinération que sont les mâchefers qui sont très utiles dans le bâtiment et les travaux publics, et d'autre part lorsqu'on s'est rendu compte qu'on pouvait faire de la valorisation énergétique par la production d'électricité ou de chauffage urbain. Voilà Sabine Barle dans cette archive du CNRS Images que vous pouvez retrouver hein, comme toutes les archives chaque jour sur le site de la méthode scientifique sur franceculture.fr. Christian Duquesnoy, je voyais sourire à l'évocation de ces premiers incinérateurs dont la France n'était pas très cliente, hein, comme on vient de l'entendre. Oui, oui. C'est vraiment très, très, très intéressant comme événement historique. Je rajouterais un point qui a favorisé le développement de l'incinération, c'est l'hygiénisme. À la suite des travaux de Pasteur, il y a eu, en tout cas, on en a les traces historiques à Paris, des véritables batailles rangées entre les tenants de l'hygiénisme qui voulaient absolument pas voir les boues de Paris épandues dans les champs pour des raisons de santé publique, et qui étaient les tenants aussi de l'incinération. Donc il y a pas que des questions de volonté de recycler, il y a aussi vraiment des prises de position fortes. Qui sont fondées scientifiquement aussi contre certaines formes de valorisation qui pouvaient, on l'imaginait à l'époque, se révéler dangereuses. Et effectivement, on sait aujourd'hui que si on ne prend pas certaines précautions pour recycler tout, en particulier en agronomie, on peut avoir des problèmes de santé publique. Alain Navarro, sur cette archive, en quelques mots, sur la nature urbaine des déchets, qui est celle qui pose, si elle, on a entendu que les déchets ménagers ne représentent que 4% des déchets totaux, on parle souvent des déchets urbains comme étant les déchets problématiques. Ouais. Nous, on a beaucoup été concernés par le développement de la recherche sur les sous-produits de l'incinération. Pas en tant que thermicien, mais en tant que chimiste. Et il y a un effet paradoxal qui est apparu, c'est que la recherche des polluants dans les cendres, la recherche des polluants dans les mâchefers, le développement des techniques pour les éliminer ont conduit à des progrès très significatifs concernant la dioxine, concernant les métaux lourds, concernant tout un tas de polluants. Et ça, c'est intéressant de constater que il y a eu des erreurs de fait, il y a eu des grosses dans les Alpes, tout ça, il y a eu quand même des gros sujets à propos de l'incinération, mais globalement les technologies de l'environnement ont été des éléments de progrès pour la science en général, je dirais, hein, indépendamment du choix qui a été fait. Il est 16h23, vous écoutez la méthode scientifique sur France Culture. Nous parlons des déchets, du traitement des déchets avec Alain Navarro qui est en duplex de Valence, nos collègues de France Bleu, Ardèche et Christian Duquesnoy ici, même à Paris. Parlons donc, puisque c'était le sujet de cette archive aujourd'hui, des deux problèmes principaux hein, qui sont posés par cette production massive de déchets. Il y a donc deux écueils aujourd'hui, celui qu'on vient d'évoquer, l'incinération, qui est quelque chose aujourd'hui qu'on essaye d'éviter de plus en plus pour les raisons que vous allez nous expliquer dans un instant. Et de l'autre, peut-être le problème principal, c'est celui des décharges, sauvages ou non d'ailleurs, Christian Duquesnoy. Oui, alors c'est deux filières. L'incinération et le stockage sont considérés comme celles qu'il faudrait le plus possible éviter. Bah, tout simplement parce que c'est le devenir ultime d'un déchet dont on n'a pas su quoi faire et qu'il vaut mieux s'en occuper à l'amont. Et les études montrent que tout d'abord, il faut essayer de réduire. Hein, c'est un des motos d'une agence comme l'ADEME qui est le meilleur déchet, c'est celui qu'on ne produit pas. Et effectivement, il faut essayer de réduire, même si on sait qu'on est limité dans nos capacités à réduire les déchets. Ensuite, la boîte à outils de ce qu'on appelle les 3 R, qui est le réemploi, la réutilisation et le recyclage, qui correspondent à des définitions différentes sur lesquelles on pourrait revenir. Et puis, ce que l'on ne peut pas soit éviter, soit réutiliser, recycler, réemployer, eh bien, l'incinération reste un outil ultime à condition d'avoir des réglementations et de les respecter sur les émissions, sur le nettoyage des gaz, sur la réutilisation des mâchefers, et puis le stockage qui reste. Alors, ça reste une technologie. Pour revenir à l'histoire, c'est le mode de traitement parmi les plus récents, hein, le stockage contrôlé. Évidemment, la décharge, on peut nous répliquer que c'est vieux comme le monde, mais la décharge telle qu'on la pratique actuellement de façon réglementaire dans les pays développés et de plus en plus dans les pays en développement, c'est un stockage raisonné où on va maîtriser ce qui rentre et on va interposer des barrières entre les déchets et l'environnement pour réduire les émissions. Dans l'attente de savoir quoi faire, de l'évolution technologique, absolument. C'est des questions qui reviennent et qui ont été inaugurées dans le domaine du stockage des déchets radioactifs, hein, où on pense à la réversibilité du stockage pour essayer d'aller retourner chercher des matières. Hein. C'est ce qu'on appelle le landfill mining, qui est un vieux programme. Hein. Je pense qu'Alain va probablement travailler sur ces aspects-là depuis longtemps, mais qui n'est pas encore tout à fait mis en œuvre de façon routinière, hein. C'est encore des programmes de recherche et de démonstration pour aller rechercher des ressources dans ces stockages. Alain Navarro, c'est un horizon qui vous paraît atteignable à moyen terme, de pouvoir retourner dans ces déchets, il y a la conjonction de deux choses. Il y a d'une part les évolutions techniques dans la façon de les mettre en œuvre, et il y a aussi le changement de qualité entre guillemets des produits qu'on va y admettre. Je veux dire, il y a eu un développement intéressant. On est parti dans ma génération, au début de l'environnement, des premiers ministères de l'environnement, c'était les technologies propres, c'est-à-dire travailler proprement, jusqu'à ce qu'on s'aperçoive que dans certains cas, travailler proprement peut être la seule façon de faire des produits les plus dégueulasses possibles, hein. Parce que si vous pensez si à quoi, faire, par exemple, Alain Navarro, si vous voulez faire, par exemple, des bombes chimiques, si vous voulez faire du cyanure, si vous voulez faire tout ça, vous avez intérêt à travailler proprement. Donc travailler proprement n'est pas la garantie que ce que vous faites est propre. C'est certain. Alors ensuite, on a cherché maintenant le produit propre, c'est-à-dire le produit qui avait le moins d'impact, le moins impactant. Au moment de sa fabrication, au moment de son utilisation et in fine au moment de son élimination. Là, c'était les trois stades. Et ça a été pas toujours facile à faire. Ça continue d'ailleurs à se développer. Et avec il y a quelques années que je m'en occupe plus, mais avec un petit obstacle qui apparaissait dès le début, c'est que ça remettait aussi sur le tapis les critères de l'obsolescence d'un produit, hein, c'est-à-dire que combien de temps, est-ce qu'il vaut, ça vaut le coup de faire un appareil photo hyper classique, très épais, très musclé et tout, s'il doit servir que 3 ans ou 2 ans ou 1 an, hein. Bon, donc il y a ce problème de la durée de vie des produits, le problème de l'utilité. Ça, alors j'ai jamais vu des approches très très précises sur savoir ce qui est utile et ce qui n'est pas utile, ça c'est assez compliqué. Mais au niveau de l'impact quand même, je pense que globalement, il y a des efforts qui sont faits. Je vois, par exemple, on avait travaillé beaucoup sur les peintures. Par exemple, le passage aux peintures à l'eau, des peintures solvantées aux peintures à l'eau, n'a absolument pas réglé tous les problèmes de la peinture. C'est moins mauvais pour l'environnement d'avoir des peintures à l'eau que des peintures solvantées, quoi. Oui, au plomb. Dans le sens inverse de cet effort que vous décrivez, Alain Amaro, il y a aussi souvent, et on revient aux matières plastiques, des économies de coûts qui poussent les industriels à privilégier aujourd'hui encore des matériaux non recyclables aux matériaux recyclables. Je pense par exemple au PEHD qui était donc recyclable et qui est remplacé notamment pour les bouteilles de lait à 5 ou 10 ans, seront toutes produites à 100% en PET, qui est le polytéréphtalate d'éthylène. Ouais. Ça veut dire qu'aujourd'hui, on peut encore avoir des stratégies industrielles qui vont totalement à l'encontre de la réduction des déchets et de l'écologie sans aucun problème et sans alerter les pouvoirs publics. Alors, sans Christian aucun Duquesnoir. Problème et sans alerter les pouvoirs publics, c'est pas tout à fait vrai, heureusement. Heureusement. Mais c'est vrai qu'effectivement, on est dans un monde allez, qui se libéralise beaucoup, et où on remet parfois même en cause le poids de la puissance publique. Mais heureusement, ça reste encore là. Et il faut tout faire pour la maintenir, en tout cas dans le domaine de l'environnement et des déchets, c'est quelque chose d'important. Je pense qu'on va voir aussi émerger, j'espère, en tout cas, le poids du consommateur et le poids de la conscience environnementale chez le consommateur. Ça reste aussi une force qu'il va falloir prendre en compte. Vous dites j'espère pour le moment, ça veut dire que c'est pas encore suffisamment fort ce poids. Ça veut dire que c'est pas encore suffisamment fort, effectivement, et qu'on est dans des... on est vraiment dans des sociétés en transition. Transition énergétique, transition écologique, transition économique. Et le propre, là encore, je reprends la casquette du théoricien et du physicien, le propre des systèmes en transition, c'est d'être instable, d'être soumis à des fluctuations et à ce qu'on appelle des bifurcations. Ça peut partir dans un sens ou dans l'autre. On est vraiment, conceptuellement parlant, dans la théorie du chaos. Alors, ça ne veut pas dire qu'il faut être pessimiste, bien entendu. Il faut agir dans le sens où l'on souhaite agir pour le futur que l'on souhaite. Mais on est quand même sur des systèmes assez fragiles qui peuvent bifurquer dans un sens ou dans l'autre, malheureusement. Donc c'est pour ça qu'il faut développer aussi une conscience sociale sur la problématique des déchets. Ça entraîne la nécessité de changer de regard sur les déchets. Je pense qu'on pourra peut-être en reparler. Et puis de regarder aussi les innovations qui se font non seulement dans le domaine des technologies, mais aussi dans d'autres domaines, dans le domaine économique, dans l'organisation des filières, dans les initiatives citoyennes. En sociologie, et Alain Navarro parlait de multidisciplinarité ou de transdisciplinarité. Je pense que là, on est vraiment devant la nécessité absolue, nous les scientifiques, de se tourner vers ce type de projet, ce type de programme, ce type de recherche. Mais Alain Navarro, du coup, je vais rebondir sur ce que vient de dire Christian Duquesnoy, puisque la production de déchets est effectivement très liée à une certaine forme et émergence de libéralisation à outrance de l'économie. Le recyclage, c'est une manne économique gigantesque. On parle de blue economy même, de tout ce qui est recyclage, précisément compte tenu de l'obsolescence de plus en plus rapide des produits. On pense notamment évidemment à l'électronique, aux téléphones portables, aux tablettes, au matériel informatique. Il y a là une manne économique gigantesque. Comment se fait-il que les industriels, les grands groupes industriels ne se soient pas jetés dessus compte tenu de l'argent et que ça peut apporter? Mais ils se sont jetés dessus. Ben voilà une bonne nouvelle. Vous ne les avez pas vus sauter. Non, vous les avez bien pas vus sauter, voilà. Non, mais ils n'ont pas pris le sujet. Vous savez, il y a toujours un certain snobisme. Moi, je l'ai connu, travailler sur les déchets, c'est assez... C'est pas ça qui fait qu'on va vous accueillir avec le sourire en disant « Ah, voilà quelqu'un qui fait quelque chose de très intéressant. Hein ». Mais à terme, une fois qu'on en discute et qu'on se connaît, les opinions peuvent changer. Les industriels du déchet que j'ai connus, moi, dans les années 70... c'était des gens qui venaient de la charrette et des pots de lapin, qui creusaient des décharges, qui vendaient des... Et qui ont peu à peu développé des petits empires dont on ne parle pas beaucoup, mais qui existent, et qui, in fine, se sont fait, en particulier dans l'élimination, ce qui concerne les décharges, ce qui concerne l'incinération, se sont fait consommer, si j'ose dire, par les grands capitaux. Donc le capital n'est pas étranger au succès des activités déchets. Mais il ne met pas cette activité sur son t-shirt pour vous montrer que c'est pas ça qui fait. Par exemple, vous ne me mettrez pas de l'esprit, Alain Navarro, qu'il y a quand même un problème d'échelle en termes de quantité de déchets produits par rapport à la manne économique que pourrait représenter la quantité de déchets recyclés si les industriels les recyclaient à la hauteur de ce qu'ils produisent. On est d'accord, il y a beaucoup de marge. Mais ce que je voulais dire, c'est que par exemple pour la voiture, je ne vois pas de groupe automobile faisant de la publicité pour les voitures en mettant en avant la quantité, le fait que 80% du métal qui a fait la voiture a déjà eu une vie ou deux vies ou trois vies, que le tapis de sol est fait avec du déchet, tout ça, alors que c'est une réalité. C'est-à-dire que le fait de montrer du déchet dans son utilisation n'est pas pour l'instant un grand élément de marketing. J'espère que ça, on voit l'évolution. Pour revenir sur la marge de progrès qu'on pourrait imaginer, je me suis amusé à faire un petit calcul dans les écosystèmes. Les recycleurs, à la louche, on représente à peu près 30% de la biomasse terrestre. Donc, si on fait la somme de tout ce on que parle pèse des micro-organismes, voilà. Bon, bref, du micro-organisme au gros mangeur de déchets. Dans un biotope naturel. Voilà, 30%. Mmh. Quand on regarde les emplois salariés et non salariés du déchet en France, c'est 0,5% des emplois en France. Voilà, voilà la marge de progrès imaginable. Si on prend l'hypothèse qu'on va vers quelque chose qui est éco-inspiré, qu'on s'inspire des écosystèmes, et que notre écosystème humain fonctionne bien, on peut imaginer qu'on doive aller jusqu'à 30% de recycleurs. On voit qu'on en est loin. Donc, on a une marge de croissance économique aussi. Et la nouveauté, on l'a vu avec l'élection de Donald Trump aux États-Unis, c'est que les problématiques d'environnement, d'économie circulaire, de prévention de l'émission de gaz à effet de serre, ce n'est plus une contrainte, ou en tout cas de moins en moins une contrainte pour les industriels, les entreprises en général, mais de plus en plus des opportunités économique. La méthode scientifique, Nicolas Martin. Trash du groupe Suède, c'est le choix musical de la méthode scientifique aujourd'hui à 16h38. Nous continuons à parler du trash, des déchets, des poubelles, des déchets que nous allons maintenant essayer de recycler. Et nous allons voir quelles sont les méthodes, les techniques que la science et la recherche peuvent mettre en œuvre, ainsi que certains pouvoirs publics, puisqu'il y a des villes et notamment des métropoles qui se sont lancés des objectifs de zéro déchet avec un certain succès, comme on va le voir dans un instant avec Christian Duquesnoy, qui est physicien-chercheur à l'IRSTEA, l'Institut National de Recherche en Sciences et Technologies pour l'Environnement et l'Agriculture, ainsi que en duplex depuis Valence, Alain Navarro, ancien professeur émérite à l'INSA et ancien directeur scientifique du réseau coopératif de recherche sur les déchets. Et pour parler donc des apports de la science dans la gestion des déchets et du développement du recyclage, nous sommes allés explorer l'une des voies possibles, les processus de méthanisation et de transformation en biogaz. Bonjour Antoine Beauchamp. Bonjour Nicolas, bonjour à tous. Vous êtes donc rendu dans les locaux d'une start-up française qui transforme les déchets en mine d'or. Oui, j'ai rencontré Christine Grimaud, qui est la directrice générale de la start-up Enesis. Cette start-up qui est basée à Nanterre a un seul credo, l'économie circulaire. L'idée est de transformer les déchets organiques et les eaux usées en ressources grâce à une innovation innovation, la Free Water Box, qui fonctionne en 4 étapes, comme vous allez l'entendre. Le résultat final de ce traitement des déchets organiques et des eaux usées est double. Tout d'abord, on récupère une eau propre, non potable, mais qui peut être utilisée comme eau d'irrigation, de lavage ou pour les chasses d'eau. Et on récupère également une biomasse algale qui permet de créer du biogaz grâce à un méthaniseur, mais aussi un biostimulant pour les plantes. Est-ce que ce système, Antoine, fonctionne déjà sur des installations extérieures? Eh oui, il fonctionne, comme vous allez l'entendre, dans l'entreprise, dans les locaux de l'entreprise que je suis allé visiter, qui récupère toutes ses eaux usées. Ensuite, Enesis vient d'installer une Free Water Box dans une ferme équestre à Abu Dhabi, et bientôt, son système permettra de retraiter les eaux usées de tout un campus universitaire, actuellement en construction. Ce sera à Laayoun, au Maroc. Notre système, c'est un système qu'on a voulu faire en boucle, de manière boucle courte pour être en économie circulaire. On ne considère pas les déchets comme des déchets, mais comme des gisements qu'on va transformer en eau propre, en énergie, en biostimulant algal et en compost. Voilà ce que ça donne sur une Free Water Box standard, 45, et qu'on a dimensionnée pour 45 mètres cubes et 500 kg de déchets jaunes. Et à partir de ces deux gisements, on produit 4 coproduits à forte valeur ajoutée. Vous avez là l'équipement principal du traitement d'eau qui est un MBR, un membrane batch reactor. Vous avez à côté un digesteur anaérobique, plus connu sous le nom de méthaniseur pour les auditeurs qui nous écoutent. Et enfin, grosse pièce de l'équipement, les photobioréacteurs, c'est-à-dire les bassins de culture dans lesquels nous faisons pousser les microalgues. Et ici, vous fonctionnez donc avec ce système-là ? Ah, complètement. On a dérivé les eaux usées de notre bâtiment pour qu'ils n'aillent pas à l'égout. On les récupère, ils sont stockés dans des cuves au sous-sol et ils sont traités de manière à pouvoir constituer un milieu de culture pour les microalgues. Donc c'est la meilleure preuve en fait que vous pouvez faire aux personnes qui sont intéressées par votre système. Vous êtes dans un des rares endroits aujourd'hui où on arrose les plantes que vous avez vues avec les eaux usées du bâtiment. On va passer par là. Ouais. Bon, quelques odeurs quand même parce que on n'a pas assez de fric pour avoir l'unité de désodorisation et de traitement d'air qu'on a mis chez les clients. Alors, ça, c'est un photobioréacteur qui est exactement le même que celui que vous avez vu dehors, mais le traitement est différent. C'est-à-dire que ça, dehors, il pousse dans les algues poussent dans l'urine, alors qu'ici, les algues poussent dans du digestat liquide issu de la méthanisation des déchets organiques. Un méthaniseur que vous avez là, alors c'est une cuve dans laquelle tous les jours... on injecte ici les déchets organiques, c'est-à-dire les reliefs du repas des ingénieurs. Donc là, le digestat est récupéré. Traitement des eaux usées, première étape. On récupère de l'eau propre, qui va être l'eau d'irrigation. Le résidu de ce traitement, ce sont des boues de l'épuration de cette eau usée. Ces boues sont ensuite placées dans un méthaniseur, digesteur anaérobie, et on va ajouter à ces bouts des déchets organiques, relief des repas par exemple, c'est ce qui est le plus fréquemment usité. Ensuite, le processus de méthanisation, c'est-à-dire de dégradation de ces déchets, va s'enclencher, et là on va récupérer plusieurs choses également. On va d'abord récupérer qu'on appelle un digestat. Donc ce digestat, il se compose de deux phases, une phase liquide et une phase solide. La phase liquide va permettre d'élaborer le milieu de culture dans lequel nous allons faire pousser nos microalgues. La phase solide va être utilisée pour constituer un compost très riche et dont les performances ont été mesurées et sont très satisfaisantes. La partie solide donc va constituer le milieu de culture des microalgues. On va inoculer nos souches de microalgues dans les bassins de culture et avec un apport de lumière, alors pas forcément de soleil, mais juste de lumière et du CO2 qu'on va récupérer sur le process de transformation des déchets organiques en biogaz, elles vont se développer et pour se développer, elles vont se nourrir de tous les nutriments contenus dans le digestat liquide issu du process de méthanisation. À la fin, qu'est-ce qu'on obtient ? Donc 4 coproduits à forte valeur ajoutée, un biostimulant algal qui correspond un petit peu à un complément alimentaire et qui apporte aux plantes ce que les compléments alimentaires apportent aux humains. Les rend plus robustes, plus fortes et permet d'accroître de manière très significative les rendements de production de tout ce qui est agricole. Ensuite, nous allons récupérer du biogaz. Ce biogaz, c'est de l'énergie, c'est une énergie renouvelable qu'on va savoir transformer en chaleur thermique ou en électricité. Nous allons ensuite récupérer de l'eau d'irrigation dont les standards nous permettent d'irriguer des cultures de légumes qui seront mangés crus, et puis enfin du compost qu'on va pouvoir travailler en l'intégrant à des déchets verts de manière à pouvoir fertiliser les sols. En gros, un système dimensionné tel que celui qu'on vient de livrer permet de fertiliser un hectare de sol par an. Donc rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme. C'est absolument notre credo et c'est notre objectif, c'est de faire que les déchets organiques ne soient plus des déchets, mais des gisements pour produire des ressources. Et revoilà Anaxagore, il est partout. Une réaction, Christian Duquesnois, à ce reportage et donc... Voilà, système de méthanisation, biogaz. Je précise qu'aujourd'hui, le biogaz en France, c'est 0,02% du gaz consommé dans le pays. Donc, on en est vraiment, vraiment au balbutiement. Alors, c'est vraiment très, très intéressant parce que on a là une innovation qui tient en fait à l'assemblage de plusieurs techniques qui sont prises individuellement, pas vraiment des innovations. La méthanisation, le compostage, la culture de micro-algues, c'est sorti des laboratoires depuis bien longtemps. Ce qui est très très innovant, c'est effectivement de les associer, et puis de les associer à petite échelle en fait. Et ça, c'est vraiment des tendances de plus en plus fortes. Je pense en particulier à la méthanisation, d'aller vers des micro-méthaniseurs, en tout cas des ce qu'on appelle des bioprocédés, des techniques qui vont permettre de transformer les déchets organiques en ressources, de les concevoir à plus petite échelle pour pouvoir les rapprocher des lieux de production, par exemple des quartiers, des collectifs, des producteurs que pourraient être les restaurations collectives, etc. Pour avoir à moins transporter de déchets, donc à réduire l'impact carbone de cette valorisation. Alain Navarro, ce schéma que dessine devant nous la Christian Duquesnois, c'est un schéma souhaitable à moyen terme, qui est réalisable à moyen ou à long terme. Vous pensez qu'on est prêt culturellement pour ce type de circuit d'économie circulaire de proximité? Ceux qui travaillent, oui. Après, la société, il faut qu'elle trouve aussi ses adaptations. Mais c'est un exemple qui est très remarquable parce qu'il est intelligent, il est fait de choses. Qu'effectivement, comme disait Duquesnois, qui sont connus, mais rarement, ou peut-être jamais associés à ce niveau-là. Je voulais juste amener un petit complément, sans rentrer dans le détail, parce que ce serait trop long, et que l'air avance. Nous, on avait fait un tableau qui s'appelait les 20 filières, c'est-à-dire qu'on avait montré que, quel que soit le déchet qui est sur la planète, il n'y a que 20 voies possibles pour en faire quelque chose. Alors, qui vont dans l'énergie, qui vont dans les matières premières, qui vont dans l'agriculture, qui vont dans tout l'environnement, des techniques de l'environnement avec les mâches fer, on épurait les eaux des décharges, et ainsi de suite. Cette technique. Et ce que je constate, moi, maintenant, 20 ans après, eh bien, c'est que quand un déchet a très peu d'autres possibilités que redevenir à peu près lui-même, c'est le cas du papier, c'est le cas de l'acier, c'est le cas du verre, ça commence à décoller sérieusement. Quand le déchet a beaucoup de possibilités d'évoluer, c'est le cas de la biomasse, c'est le cas des plastiques d'une certaine façon, où c'est très difficile de savoir, la concurrence entre les filières et les potentialités de recyclage, elle freine d'une certaine façon le développement d'unités importantes. Voilà, c'est en gros ce qu'on a pu constater. Une sorte de constat assez paradoxal finalement. Qui est paradoxal, c'est-à-dire plus on est riche, moins on est intéressant en fait. J'aimerais qu'on fasse un tour avec vous deux aussi un peu de l'état de la recherche sur le recyclage et la transformation. En début d'année, Christian Duquesnois, des chercheurs japonais ont découvert une bactérie qui est capable de décomposer le PET, le plastique dont on parlait tout à l'heure. Ça marche, c'est une voie d'avenir, ce type de décomposition bactérienne. Oui, moi je crois beaucoup à ce qu'on appelle les biotechnologies appliquées aux déchets. Alors par biotechnologie, il ne faut pas forcément entendre de la manipulation du vivant, hein, mais l'utilisation d'espèces qui existent là, déjà. Là, c'est une bactérie tout à fait naturelle. Voilà, hein, elle s'appelle Ideonella sacayensis. Voilà, et de les faire travailler dans des environnements contrôlés, parce que c'est ça aussi qui est intéressant avec la famille des bioprocédés, c'est que l'environnement est parfaitement contrôlé, donc on a des impacts qui peuvent être totalement maîtrisés. Et puis on découvre aussi, alors ça c'est quelque chose qu'on fait dans mon laboratoire à IRSTEA, on n'est pas les seuls évidemment, c'est ce qu'on appelle la bioraffinerie. C'est essayer de faire à des bactéries ou à des archées, qui sont une autre branche du vivant, mais aussi l'une des trois branches du vivant, mais ce sont aussi des micro-organismes, comme les bactéries, mais des voisins proches, pour essayer de leur faire construire des molécules qu'on retrouve pas forcément dans leur façon de transformer la matière dans les environnements naturels. Soyez plus précis, expliquez-nous un peu, ça m'intéresse. Par exemple, nous, ce qu'on essaie de faire, c'est ce qu'on appelle l'électrosynthèse microbienne. C'est de faire travailler des bactéries qui ont une appétence pour l'électricité, pour faire rapide, en changeant les potentiels auxquels elles travaillent d'habitude, pour essayer de changer leur métabolisme et de le réorienter vers la production de molécules d'intérêt qui pourraient servir, par exemple, de molécules plateforme pour la chimie verte. D'accord. Alain Navarro, vous avez en tête d'autres exemples de développement, de biotechnologie ou de technologie qui irait dans ce sens de nouveaux matériaux? Non, sur la biotechnologie, je n'ai pas d'opinion parce que c'est pas mon domaine et puis que j'essaye de me tenir au courant, c'est déjà suffisant. Enfin, j'essayais parce que là. Bon, bref. Non, moi, si j'ai des choses que j'aimerais voir se développer. Déjà, avant de parler de valorisation, en élimination, je suis un petit peu paniqué par le développement des nanoparticules et de leur dispersion dans l'environnement. Je suis pas sûr qu'on fait pas une petite bêtise là, parce que je vois pas, je sais pas, je pose la question. C'est une question qui j'attends d'avoir une lecture claire de la nanoparticule devenue déchet, alors qu'elles sont utilisées dans des tas de domaines. On en a parlé beaucoup pour les cosmétiques, ces très petites particules qui sont pas filtrées, qui se retrouvent qui finissent par atterrir dans la nature et qu'on retrouve ensuite dans les organismes vivants. Ouais. Et la deuxième chose, c'est que vous savez, il y a un proverbe espagnol qui dit que avec un âne on fait pas un cheval de course, et donc je crois qu'il faut chercher à développer la façon optimale pour tous les déchets en grande quantité qui sont pas forcément très très très riches, mais en matière de matériaux, je crois beaucoup à tout ce qui peut sortir de la démolition du bâtiment, de tout ce qui peut sortir déjà des voitures, le recyclage des voitures, le broyage automobile, tout ça. Je crois que c'est les grandes filières matériaux devraient profiter dans les années qui viennent de forts développements dans les matériaux de base, quoi. Sans chercher l'énergie, c'est un peu plus compliqué. Mais il se passera des choses. Pour une raison fort simple, hein, c'est que on a beau dire qu'on se trompe dans l'estimation des réserves, ce qui est sûrement vrai, mais une chose est certaine, c'est que la Terre est quand même plus ou moins ronde, pour l'instant, même si elle ne tourne pas toujours rond, qu'elle est plus ou moins ronde, et que finalement, à force de tirer dans la poire, il y aura bien quand même un moment que je ne verrai peut-être pas, ou sûrement pas, où il n'y aura plus rien, où il faudra bien se débrouiller autrement. L'autre, alors, si c'est pour sortir un peu de la filière scientifique, il y a aussi, on l'a dit, dès qu'on parle de réduction des déchets, on parle réduction ou changement, en tout cas modification des modes de vie. Je le disais tout à l'heure, il y a plusieurs villes. On pense souvent à San Francisco qui a lancé un ambitieux plan zéro déchet, et notamment grâce via des actions contraignantes, des contrôles chez les gens dans les poubelles pour pousser les gens à recycler. Et on arrive assez rapidement, que ce soit à San Francisco, je pense à Trévise, enfin à d'autres villes, Christian Duquesnois, on arrive assez rapidement à réduire la portion de déchets produits par foyer. C'est efficace, ces politiques-là. Ça nous semble efficace. Alors, je connais pas très bien ces expériences-là, donc je vais avoir un avis qui va être pas forcément le plus éclairé, mais dès qu'on parle de contraintes, je pense qu'il faut faire un petit peu attention. Parce qu'on a vu des expériences, en tout cas des mesures particulièrement contraignantes dans certains pays. Et je pense en particulier à ce qui s'est passé au Japon il y a quelques années. Et où on a eu un retour de bâton, on a eu un effet inverse. Où les gens ont finalement se sont un peu dégoûtés de ces questions-là. Se sont un peu rebellés. On peut nous étonner pour l'image qu'on a habituellement du Japon, qui est une image fausse. Et le remède a été pire que le mal, parce qu'on a vu se redévelopper des décharges sauvages, parce que les gens étaient tellement contraints, c'était devenu tellement compliqué de trier, de s'occuper de ces déchets, que les gens ont fini par, sous le manteau, les mettre dans le coffre de la voiture et aller les jeter en pleine nature, dans la forêt, du coup. Ouais. Donc, tout ce qui est contraignant me gêne un peu et me laisse à penser que ça va peut-être pas forcément durer. Je préfère vraiment quand les gens adhèrent et se sentent investis de quelque chose qui vient d'eux-mêmes. Et ça, je crois beaucoup au rôle de l'éducation. Donc, on devrait vraiment avoir des programmes plus intenses, hein, d'éveil à la question, évidemment, de l'environnement, mais en particulier des déchets et de ce qu'on fait au quotidien avec nos déchets. Et pour changer ce regard dont on parlait tout à l'heure et dont Alain parlait à propos du regard que les scientifiques se jettent entre eux quand il y en a un qui travaille sur les déchets. Mais ça, c'est quelque chose qu'on retrouve dans toute la société, hein. Il n'y a qu'à voir comment on traite les migrants qui travaillent dans les décharges en Turquie, comment on regarde les Roms qui viennent chercher... Qui font le travail de recycleur. Qui font du porte-à-porte quand on sort les encombrants. C'est un regard très très méprisant. Et ça traduit vraiment notre attitude vis-à-vis des déchets. Et ça, je pense que si on ne change pas ce regard, on arrivera à des limites. Et contraindre les citoyens, je ne pense pas que ce soit une solution durable. Pour conclure, Alain Navarro, puisqu'il nous reste très peu de temps, vous pensez que la France peut aboutir suivre un jour l'exemple de la Suède qui aujourd'hui est arrivée qui s'approche du 99% de déchets recyclés, hein, qui a mis en place des avantages fiscaux, notamment pour la réparation des objets ménagers, pour lutter contre l'obsolescence. Vous pensez que la France peut suivre ce type d'exemple ? Qu'a poursuivi mon collègue lorsque les Français seront des Suédois. Et vous voyez à quel horizon, Alain Navarro, la fermeture de la dernière décharge en France ou des derniers incinérateurs? Je rappelle qu'aujourd'hui, on a 30% d'incinération, 36% de décharge, 20% de recyclage et 14% de gestion biologique. Il y en aura de moins en moins, mais elles seront de plus en plus performantes et de plus en plus... On les remarquera de moins en moins. Les premières, je lisais il n'y a pas longtemps un livre qui avait été écrit par l'Association des maires de France en 82. Je crois que c'était Monsieur Pélissard à l'époque, le maire de je sais pas quoi. Eh ben, il avait participé à ce bouquin sur l'implantation des décharges, des centres d'élimination en France, tout ça. Et il y a un paragraphe exact où il dit le plus gros problème, c'est que les Français sont a priori toujours systématiquement contre tout ce qu'on leur propose. Et puis, c'est qu'une fois qu'il y a une bonne guerre, qu'il y a une bonne bagarre, qu'on fait un petit avancé. Bah écoutez, on espère que ce sera un mot de la fin un peu pessimiste, mais qui soit pas totalement réaliste quant à l'avenir du traitement des déchets et du recyclage en France. Merci beaucoup à vous deux. Merci à Christian Duquesne. Je rappelle que vous êtes auteur du livre lauréat du prix Le Goût des Livres, Les Déchets du Big Bang à nos jours aux éditions Coué. Merci beaucoup à Alain Navarro et merci à tous les collègues de France Bleu de Romardèche qui ont rendu ce duplex possible. Et puis je vous invite à aller voir au cinéma en ce moment un documentaire qui s'appelle Trashed. Christian Duquesnoy, un mot rapide. Un petit mot plus optimiste et sur la France en particulier. On voit en particulier avec cette semaine de la réduction des déchets en Europe, il y a énormément d'initiatives en France. Hein. Allez voir sur le site de l'ADEME, il y a des centaines d'expériences et les gens y vont. Donc soyons optimistes, allez jeter un coup d'œil sur le site de l'ADEME et si vous voulez aller au cinéma, vous pouvez toujours aller voir, donc je disais, Trash, le documentaire de Candida Brady avec Jeremy Irons, qui est en ce moment dans les salles. Merci à toute l'équipe de La Méthode Scientifique, Léo Quentin, Céline Lezen, Lève Etienne, Antoine Beauchamp, Noémie Naguet, à la réalisation Elisabeth Miro, à la technique Pascal Baudin, au droit d'auteur Cyril Svetozevitch.